Elle a mis sa tête sur mon torse, j'aime trop la vérité. Elle sent mon cœur qui bat, elle le fait palpiter. Et ses cheveux, ils sentent le beurre de karité. Là, je suis à Marrakech, ouais, je fume la qualité. Ne fais jamais le voyou ou bien le détenu. J'ai vu des frères perchés qui sont jamais revenus. J'allais dans des endroits, j'étais pas le bienvenu. Maintenant, ils veulent que je vienne, mais non, je reviendrai plus. Dans la zone du verre de vodka, y'a les civils en plan pour Skoda. RP, la Helsing, grosse chaudasse. J'ai chargé, vendu son Honda. J'suis dans la zone du verre de vodka, y'a les civils en plan pour Skoda. RP, la Helsing, grosse chaudasse. J'ai chargé, vendu son Honda. J'ai fait le tour mille fois de la zone. Ça m'a scanné le cerveau. T'inquiète, mon chéri, on connaît tes hommes. Quand tu me parles, ça sonne faux. J'ai fait le tour mille fois de la zone. En bandit 600 chevaux. C'est fait noir le pot en carbone. Le pochon sur la boîte auto. J'ai plein de gadis, la jalousie c'est une maladie. Un S3 rue Paradis, j'ai fait toute la collection frère Hardy. J'ai fait le tri dans tout ce qu'on m'a dit. J'aime pas qu'on se mêle de ma vie. Posé à l'arrière de l'Audi, sous polia j'trouve des mélodies. C'est pas bien, dis pas que t'es maudit. Ta mauvaise mine, t'as les joues creuses. Si tu veux mettre le feu comme Johnny, j'te couvre le trajet dans la zone. Du verre de vodka, y'a les civils en plan sans Skoda. RP, la Helsing, grosse chaudasse. J'l'ai chargé, vendu son Honda. J'suis dans la zone, du verre de vodka, y'a les civils en plan sans Skoda. RP, la Helsing, grosse chaudasse. J'l'ai chargé, vendu son Honda. J'ai fait le tour mille fois de la zone. Ça m'a scanné le cerveau. T'inquiète, mon chéri, on connaît les hommes. Quand tu me parles, ça sonne faux. J'ai fait le tour mille fois de la zone. En bandit 600 chevaux. Fait noir le pot en carbone. Le pochon sur la boîte auto. Ah.